Exercice 9, page 168. A. Ce sont nos amis. Transformer. C'est notre ami. B. Ce sont nos enfants. Transformer. C'est notre enfant. C. Ce sont nos élèves. Transformer. C'est notre élève. D. Ce sont vos affaires. Transformer. C'est votre affaire. E. Ce sont vos histoires. Transformer. C'est votre histoire. F. Ce sont vos ouvrages. Transformer. C'est votre ouvrage.